Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous allons parler FOSDEM 2022 qui s'est tenu en remote cette année. Tous les ans d'habitude il est à Bruxelles, mais bon, cette année impossible d'organiser avec bien sûr le Covid. Et on va parler spécifiquement d'une conférence et c'est assez cool parce que j'ai avec moi celui qui a fait le talk et je vais laisser se présenter. Salut, du coup c'est Mathieu et puis je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du FOSDEM, du talk, de Flatcar et un peu tout ce qu'il y a autour. Et est-ce que tu peux te présenter un peu plus ton expérience peut-être pour que les gens puissent mieux te Alors, connaître? Alors ouais, bien sûr, du coup je suis ingénieur avec Microsoft depuis un an. Je travaille un an et demi en tant que DevOps aussi dans une entreprise française. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce qui est open source, contribuer à des projets, participer à des discussions, etc. autour de open source, ça c'est vraiment un truc qui me motive. Et je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et où je donne justement du temps et puis les compétences que j'ai acquises au gré des années à cette association, donc en participant à l'équipe au sein de l'équipe informatique d'Ingénieurs sans frontières. Bah c'est super. Donc si on parle, on va d'abord parler un peu du FOSDEM. Donc toi cette année, t'es speaker, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu, voilà, c'est un peu différent de quand on participe seulement en tant que visiteur dedans. Toi, comment t'as trouvé cette édition cette année? C'est une édition un peu spéciale, comme je disais, donc en remote comme l'année dernière d'ailleurs. Ouais, écoute, pour moi c'était une première, c'était mon premier FOSDEM en tant que speaker et en tant que participant de manière générale. Donc j'ai déjà trouvé l'édition en remote super cool. Donc j'ai que hâte de voir en présentiel qu'est-ce que ça va donner. J'ai eu beaucoup d'échos sur ces conférences là en termes d'ambiance, de qualité des talks, etc. Donc ça va être super cool la prochaine fois que ça se prend en présentiel. Mais en tout cas, en remote, c'était vachement bien organisé. Donc, kudos à toute l'équipe de bénévoles qu'il y a derrière parce que tout était prévu, en fait, pour que ça soit en remote. Et donc, il n'y avait aucun moment où ça marchait pas trop, etc. Sauf pour mon talk, mais peut-être qu'on passera là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment kudos à eux parce que t'as au moins 700 talks qui sont présentés en deux jours. Et là, en fait, c'était tout bien géré avec Matrix. En base pour discuter. Et donc, les talks qui étaient diffusés comme ça, tu avais vraiment une sensation assez agréable d'être pas comme en live. Mais voilà, c'était vachement bien fait. Donc voilà. Oh, cool. Alors moi, on le disait un peu en off avant, mais c'est vrai que alors moi, le FOSDEM, c'est un endroit où je vais depuis, je crois, 2009 ou 2010, à peu près tous les ans. C'est un peu le rendez-vous de tous les gens de la tech où je retrouve des anciens collègues d'un peu toutes les boîtes où je suis passé. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les conférences en ligne. Et donc cette année, j'y ai pas du tout participé, aussi parce que j'étais au ski, faut le dire. Mais donc j'ai pas participé aux conférences et non pas non plus à la tienne. Donc voilà, je suis un novice par rapport à ton talk. Et donc je vais pouvoir être un peu le candide quand tu vas nous présenter un peu ce dont t'as parlé. Déjà pour revenir un peu, donc t'as dit que t'avais travaillé sur Flatcar. Là à l'heure actuelle, donc si je résume un peu de ce que j'ai pu voir, donc on avait la société qui s'appelait Kingfolk, qui est une société allemande qui travaillait donc dans tout le milieu de l'open source, qui a été rachetée au final assez récemment à l'échelle de la tech par Microsoft. Comment toi t'as connu, et on a eu aussi Alban, il faut que je le dise, qui dans un numéro de Dans ton cube est venu nous présenter Inspector Gadget, donc qui est un outil de debug autour de Kubernetes qui utilise de l'IBPF, etc. etc. Donc, allez voir, allez écouter cet épisode, je fais du cross-média, du cross-podcast. C'est professionnel ça, c'est classe. C'est ça exactement, peut-être le lien dans la description, allez vas-y, je dis ça comme n'importe quel youtubeur. Mais donc voilà, donc on a déjà eu des gens de Kingfolk, Alban qui est venu. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dedans déjà sur la boîte? Parce que c'est vrai que, enfin moi en tout cas, c'est une entreprise que je regarde depuis pas mal de temps, qui est vraiment très cool. Comment ça se passe, Kingfolk, Flatcar et même le rachat par Microsoft? Ouais, donc du coup, ce qui est assez drôle en fait, c'est que ça va faire deux ans et demi, j'avais uploadé une vidéo sur YouTube où justement je présentais Flatcar. Donc c'était assez rigolo où je parlais voilà comment déployer un nœud Flatcar et puis installer certains trucs dessus. Et du coup, c'était marrant parce que j'avais fait cette vidéo bah, bien avant de rejoindre Kinvolk, bien avant de contribuer à Flatcar, etc. Et du coup, je trouve que c'est marrant cette petite, ce petit détail de temporalité que je présentais en fait Flatcar et maintenant je suis amené à travailler avec, à contribuer dessus. Donc, ouais. Et Kinvolk, ouais, c'est une boîte, ouais, une petite trentaine d'employés quand ça a été racheté. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise qui résout des problèmes. Et qui va se poser sur des problèmes et se positionner là-dessus avec une expertise Linux, une expertise Kubernetes. Et donc c'est assez intéressant de travailler avec tous les profils qu'il y a au sein de cette entreprise parce que bah t'en apprends tous les jours. Je pense que j'ai jamais autant utilisé l'expression today I learned depuis que je suis avec eux. Et voilà. Donc plus spécifiquement, moi je suis dans l'équipe Flatcar. Donc on est 5-6 personnes voilà à travailler sur le système d'exploitation en tant que core mainteneur et évidemment on travaille avec la communauté pour améliorer Flatcar, proposer des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités sur le système d'exploitation. Du coup peut-être que je peux présenter rapidement Flatcar, qu'est-ce que c'est? Flatcar c'est plus connu anciennement sous le nom de CoreOS. Donc je vois que t'as un super t-shirt en plus, on peut pas le voir mais dommage. C'est donc en fait qu'il y avait CoreOS qui était un système d'exploitation dédié pour faire rouler du conteneur. Donc que ce soit des grosses charges avec des clusters ou simplement un conteneur Docker si t'as envie de faire tourner ton blog dessus. Et Flatcar en fait c'est simplement un fork et ça a été c'est devenu le nouveau CoreOS une fois que CoreOS donc c'était fait acquis par Red Hat. Il y avait eu tout ce débat-là autour du système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et donc, Flatcar, en fait, c'est issu, voilà, c'est simplement un fork qui est maintenant devenu le nouveau système d'exploitation donc qui est community-driven et qui reprend en fait tous les mécanismes de CoreOS. Et en fait, on a encore pas mal d'héritage de CoreOS au sein de Flatcar et c'est assez intéressant quand on parcourt l'historique Git ou les différents repositories de retrouver en fait des mentions de CoreOS ou de retrouver des commits d'anciens développeurs de CoreOS. Donc voilà, Flatcar, c'est un système d'exploitation qui est dédié pour faire rouler du conteneur. Et tu me l'avais même dit une fois lors d'un meetup, j'avais trouvé ça intéressant. C'est plus qu'un conteneur OS, c'est un Kubernetes OS. Et ça, je trouvais ça assez cool. En fait, c'est vraiment un OS que tu vas utiliser pour supporter ta charge de conteneur. Pour ceux que ça intéresse, c'est basé sur du Gen2, donc une distro Linux. C'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec Flatcar parce que je suis grand fan de la distro Gen2 et une des particularités de Gen2 en fait c'est que tu vas compiler tous tes packages, donc en fait tu vas pas récupérer des packages d'un repo ou quelque chose comme ça, tu vas juste récupérer des espèces de fichiers qui détaillent comment compiler un package et ce qui est assez intéressant c'est que du coup tu as accès à toutes les options de compilation des différents logiciels que tu installes et en fait ce qui est assez intéressant avec ça c'est que tu vas pouvoir désactiver les options de compilation dont t'as pas besoin, des supports dont t'as pas besoin pour un logiciel X ou Y. Et l'objectif, c'est d'avoir, en fait, une surface d'attaque qui est minimale pour le système d'exploitation, parce que tu vas uniquement livrer dans le système d'exploitation les logiciels dont t'as besoin, compiler avec les options dont t'as besoin, rien de superflu. Et puis, une autre particularité de cette distro, c'est qu'il n'y a pas de package manager. Donc, en fait, tu peux pas installer avec apt-get, avec pacman, avec yum. Tu peux pas installer de package une fois que ta distro est déployée, une fois que ton OS est déployé. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu contre-intuitif au départ quand tu commences à jouer avec parce que tu dis, bah merde, il me manque tel outil ou tel outil. Comment est-ce que je peux l'installer? Et en fait, bah là, du coup, t'en as pas. Donc en fait, c'est la responsabilité des mainteneurs et de la communauté de proposer des nouveaux packages, de les mettre à jour, de suivre tous les correctifs de sécurité qu'il y a à faire. Pour pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur. Donc après, tu as des mécanismes qui te permettent d'installer des logiciels au bout de la machine. Mais voilà, tu n'as pas de package manager. Et en fait, l'objectif, c'est de diminuer ce qu'on appelle le drift. Je sais pas comment on pourrait dire en français, l'écart entre l'OS que tu installes et l'OS qui va être mis à jour à chaque fois. Donc en fait, l'objectif, c'est d'oublier en fait que tu as un système d'exploitation et que tu utilises juste pour déployer ta charge de conteneur dessus. Et voilà. Donc, je sais pas si t'as des questions. Oui, non, c'est pas moi. Je vais pouvoir raconter un peu aussi mon histoire par rapport à ça. Donc moi, j'ai commencé à utiliser CoreOS en 2014-2015, justement pour du Kubernetes à l'époque. Donc, on est vraiment dans des versions très récente. CoreOS, qui était, enfin, c'est assez drôle. C'est d'ailleurs, c'est un fork de Chrome OS. Donc c'est Chrome OS qui se base sur Gentoo pour ça, justement pour son aspect build. Mais en fait, c'est un Chrome OS sans Chrome et avec Docker en plus. Si jamais on résume avec du système D, du système D. Donc à l'époque, c'était pas vraiment un système qui était fait pour Kubernetes. C'était fait pour faire du conteneur. Bon, ils avaient même développé un système D distribué qui s'appelle Fleet. Rien à voir avec le Rancher Fleet d'aujourd'hui, mais c'était un système D distribué pour avoir en fait des units système D qui vont pouvoir tourner sur plusieurs nœuds à la fois. Et en effet, oui, voilà, c'est un système immutable ou immuable. Voilà, ça dépend si on veut faire du franglais ou pas. Et en effet, et tout ça, c'est possible uniquement parce qu'on a des conteneurs. Parce qu'en fait, la base, le socle, lui, est complètement immutable. Donc pas de package manager. Mais en fait, derrière, comme on peut faire tourner des conteneurs, on peut avoir accès à peu près à ce qu'on veut. Ce qui fait qu'après, on peut avoir des trucs assez cool à base de toolbox qui avait été aussi créé par CoreOS pour faire en sorte d'avoir tous les outils du TCP dump, des choses comme ça dont on va avoir besoin pour débugger nos workloads. Et donc nous on avait fait déjà à l'époque, donc en 2015, on avait fait du CoreOS bare metal plus du Kubernetes au-dessus spawné via Fleet. C'était un peu ça le but. Et après, à l'intérieur de Kubernetes, on mettait de l'OpenStack. Donc c'est une stack classique dont j'ai parlé assez souvent, mais qui était assez cool là-dedans. Et gros avantage donc de ce système donc sans drift, donc c'est-à-dire qu'on va limiter l'effet snowflake, l'effet flocon de neige, c'est le système de release par channel, en fait, qui est complètement hérité de Chrome et de toute l'expérience de Google là-dessus du déploiement, qui est donc d'avoir des channels dans lesquels on s'abonne, stable, beta, edge, qui vont permettre donc d'avoir des... Il n'y a plus le edge. Il n'y a plus le edge. Non, donc c'est alpha, beta, stable et LTS. Ouais, donc bon, c'est ce qui correspond à peu près à la même chose quand on l'utilise, mais ce qui est vraiment cool là-dedans. Sachant que, point intéressant, donc le protocole qui est utilisé derrière, c'est OMA pour les mises à jour. On peut avoir son propre système de release soi-même, qui est un système en fait à la mi-chemin entre la release et l'asset management, où on va pouvoir comme ça avoir la vision de son parc et des mises à jour de son parc. Donc avant, il y avait CoreRoller, qui était le logiciel fait par CoreOS pour pouvoir gérer ça. Et maintenant, vous avez un logiciel qui s'appelle... Nebraska. Exactement, Nebraska, sur lequel j'ai quelques contributions maintenant. Ouais, kudos. Voilà, des contributions de merde hein, pour l'instant, mais bon, c'était ça me gavait à builder, donc souvent j'ai refait le système de build comme d'hab quand j'arrive sur un projet. Mais voilà, un système que j'utilise, et alors ça on pourra en discuter à la fin dans le next. Mais voilà un peu pour tout l'écosystème dont on a parlé là-dedans. T'as pas trop parlé du rachat par Microsoft, si jamais on... Voilà, comment ouais. Ça se passe pour vous en interne parce que c'est... Alors, c'est assez intéressant comme point. Du coup, pour l'instant, nous, ça a pas changé grand-chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, Flatcar reste community-driven. Il n'y a pas d'influence pour l'instant de la part de Microsoft sur Flatcar. Et donc voilà, donc ça c'est assez intéressant parce que nous l'équipe Flatcar on n'est pas impacté là-dessus. Alors évidemment maintenant tu vas voir de la collaboration qui va se faire avec Microsoft pour travailler avec eux sur des sujets autres, divers et variés. Donc toujours dans l'écosystème Linux Cloud. Mais voilà, de notre côté au sein de Kitbulk ça n'a pas changé grand-chose et ça c'est vraiment intéressant. Quand t'as des rachats d'entreprises t'as toujours peur en fait qu'il y ait des divergences qui se font au sein de l'entreprise rachetée. Et en fait, là, pas du tout. C'est fait assez naturellement. Pas de grand changement. Donc, bon, ça, c'est cool. Et puis, moi, je suis content vraiment que l'aspect community de Flatcar soit préservé, conservé et que ça continue dans ce chemin-là, quoi. Donc, c'est voilà. Google a son container OS. Azure, enfin Amazon a, je sais plus comment il s'appelle, mais à peu près pareil, un container OS bis. Ah, c'est Bottle Rocket, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, pour utiliser leur Fire Rocket. Non, oui, c'est ça. Oui, enfin bref. Firecracker, voilà, c'est ça. Et je sais plus si Azure en a un. Est-ce que justement Flatcar pourrait devenir le container OS de Azure ou pour AKS? Alors. Alors, Azure, de leur côté, ils ont Mariner. Tu as peut-être entendu parler vite fait. Donc voilà, c'est l'équivalent Container Optimized OS au niveau d'Azure. Donc ça, c'est dédié à Azure pour faire rouler du container workload sur Azure. Flatcar, c'est agnostique. Hein. Donc tu peux faire rouler du Flatcar sur du bare metal, tu peux faire rouler du Flatcar sur Amazon, sur Google, sur KVM si t'as envie. Enfin, tu peux vraiment un peu faire rouler partout et c'est quelque chose qui va continuer à être préservé. Dans tous nos tests, on teste ces plateformes justement. Donc les différents cloud providers, pardon, et puis le bare metal. Donc voilà. Donc pour l'instant, Flatcar, ça reste community driven et cloud agnostique. D'accord, mais ça aurait pu devenir justement la base de Azure, d'AKS. Exactement. Quelques mois après, à mon avis, avant Mariner, avec un rachat 2 ans avant, ça devenait 1 an avant peut-être. Ça aurait pu, et ça, voilà, faut voir après les conditions à ce moment-là, parce que effectivement, ça aurait pu devenir le de facto l'OS utilisé sur Azure. Mais sûrement que le souhait de garder ce côté communautaire et le souhait de garder ça agnostique aurait peut-être empêché justement que ça devienne le système d'exploitation pour Azure. D'accord. Et donc on en a parlé, tu as fait un talk là-dessus, donc en lien avec Flatcar, puisque c'est ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce talk, de quoi tu as parlé, et puis même peut-être un petit résumé dedans? Ouais, avec plaisir. Donc, ce talk-là, c'était vraiment dédié sur les tests. En fait, comme tu l'as dit toi-même, c'est un système de release par channel, donc alpha, bêta, stable. Alpha étant voilà tout ce qui est nouveau, qui est shippé, donc les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux packages, etc. Ça passe par alpha, qui est validé par bêta, qui arrive en stable. Bien évidemment, avant chaque release de chacune de ces channels, on va tester le système d'exploitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tester? Ça veut pas dire on boot un nœud, on regarde s'il boot, et puis voilà, on ship. Donc là, il y a vraiment toute une batterie de tests qui sont roulés, des tests automatisés, bien sûr. Et en fait, on va tester, est-ce que Docker, ça fonctionne bien? Est-ce que SE Linux, ça fonctionne bien? Est-ce que, on essaye en fait de couvrir un maximum de cas d'utilisation de scénarios pour pouvoir tester le système d'exploitation et identifier d'éventuelles régressions, d'éventuels bugs. Ça nous a permis d'identifier. J'en pense, j'avais fait une migration une update d'OpenSSL sur OpenSSL 3. Et en fait, cette suite de tests nous a permis d'identifier une régression du côté d'OpenSSL. Donc ça, c'était assez intéressant parce que non seulement ça teste l'OS, mais du coup, ça teste aussi les packages qui vont avec. Et donc, ça permet aussi, toujours d'être dans cette optique communautaire, de pouvoir faire remonter des problèmes upstream avec la suite de tests Flatcar. Donc ce talk-là, c'était vraiment dédié là-dessus sur qu'est-ce que c'est un test, comment est-ce qu'on teste Flatcar, comment ça s'intègre dans le process de release de Flatcar. Et puis voilà comment c'est fait. Donc en fait, c'est un framework qui est utilisé. Donc c'est un framework qui est fait en Go, qui est développé en Go. Donc tous les tests sont développés en Go. Et en fait, c'est simplement... grossièrement, tu vas ton framework qui va s'occuper de déployer une instance, que ça soit sur un cloud provider, que ça soit localement avec UMU, déployer cette instance, l'approvisionner avec du ignition, et donc ça c'est pour faire le provisioning initial, et donc ensuite tu vas faire rouler tes tests que toi tu vas écrire, par exemple fais un Docker run Alpine skip infinity. Et puis, tu vas t'assurer que tu as bien un conteneur avec Alpine qui roule et qui fait un sleep infinity. Et donc, c'est ce genre de test qu'on roule. Donc, tu en as des simples comme celui que j'ai mentionné et tu en as des un peu plus complexes qui se rapprochent plus à ce qu'on appelle du test d'intégration où tu vas réellement déployer un cluster Kubernetes dans ton scénario de test et tu vas déployer des pods dessus. Tu vas regarder avec différents CNI, donc avec du Cilium, du Flanel, du Calico et tu vas regarder que tout fonctionne bien. Et donc, ça te permet en fait de... Tu peux pas tout couvrir évidemment, mais ça te permet en fait d'avoir une idée de ça fonctionne bien et il y a pas de régression là-dessus et on risque pas de péter quelque chose en déployant ça. Donc voilà. Les tests que vous avez rajoutés justement, ils sont toujours en fonction de problèmes que vous avez eu. Justement cette couverture de tests, vous allez la faire au fur et à mesure. Genre vous avez un problème, vous rajoutez un test. Ça va être comment la volonté de rajouter un test particulier? Alors l'objectif c'est d'augmenter bien évidemment la couverture de Flatcar. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas en mesure de donner un indicateur. Enfin, c'est compliqué de dire 80% de l'OS est testé, parce que vu que c'est un OS, tu fais ce que tu veux avec, bah tu peux pas tout couvrir. Donc comme tu l'as dit, il y a deux cas de figure. Soit on a un bug utilisateur, un utilisateur, qui fait remonter un problème, ouais, ça marche pas, si ça, et ben on essaye d'identifier. Si on voit que c'est un problème de notre côté, on va rajouter un test, on va fixer le problème bien évidemment, on va rajouter un test pour éviter de la régression. Et sinon, bah, t'as simplement, voilà, ponctuellement, ou des initiatives qui sont prises, bah, tiens, cette partie-là, elle est pas testée, écrivons des tests là-dessus, et puis, faisons-les rouler. Donc voilà, t'as deux cas de figure, c'est soit il y a un incident qui est relevé par la communauté, soit t'as quelqu'un on demand, en anglais, qui va te dire, ouais, ça serait bien d'avoir un test là-dessus. Ça prend combien de temps à peu près là à l'heure actuelle de faire tourner tous vos tests? On va essayer d'enlever un peu la partie spawn cloud parce que elle peut être un peu. Ouais. Mais à peu près, ça va être combien à l'heure actuelle de jouer ces tests? Alors, si tu roules les tests sur une bonne machine localement, on va dire que tu les roules en parallèle. Donc, faut que t'aies une bonne machine. Dans notre CI, ça prend 30-40 minutes. D'accord. À peu près, à rouler tous les tests. Mais comme tu l'as dit très bien, sur d'autres cloud providers, ça va prendre 10 heures par exemple sur Equinix Metal, parce que là, c'est du ARM qu'on va tester, et tu as aussi le temps de provisioning qui est beaucoup plus lent parce que c'est du Pixie Boot. Donc en fait, là, tu rajoutes beaucoup plus de temps, et c'est un sujet sur lequel on travaille justement, d'être en mesure de diminuer le temps que prenne l'exécution de la totalité des tests, parce que on va en rajouter encore des tests. Donc en fait... Si ça prend 50 heures à rouler tous tes tests, c'est pas agréable. Et puis ça impacte aussi forcément le process de release, parce que tu vas le rallonger, parce que tu dois attendre que tes tests aient fini pour décider de la release. Quoi. Là, à l'heure actuelle, le framework que vous utilisez en Go, c'est un framework qui existe déjà. Vous utilisez du GoTest. Enfin, je sais plus le nom d'un des frameworks qui sert à faire des tests comme ça de end-to-end. Alors c'est quelque chose de maison. Héritage de CoreOS, donc une fois de plus on retrouve l'héritage à quelques endroits. Donc ça s'appelle Cola, qui fait partie d'une toolbox qui s'appelle Mantle. Et Mantle, en fait, c'est un ensemble d'outils qui vont te permettre d'uploader des images de Flatcar sur un object storage, de créer différents assets autour de Flatcar. Et en fait, Cola, c'est un framework qui est en Go, et donc qui essaye d'implémenter un petit peu la philosophie du framework de testing de Go de base. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est maison, qui est utilisé encore par Fedora CoreOS de leur côté, et auquel on contribue tous les jours. C'est cool. Et justement, je rebondis directement là-dessus. Les rapports avec justement Feu CoreOS. Comment ça se passe, parce que justement, donc si jamais on résume un peu, donc CoreOS, qui était l'entreprise du même nom, enfin l'OS et l'entreprise du même nom, a été donc racheté par Red Hat, qui lui-même a été racheté par IBM. J'ai oublié ça, c'est vrai. Bah oui, c'est d'où ce troll à un moment, enfin ce troll, ce tweet des gens de CoreOS qui avaient sur un panneau 0 jours depuis la dernière acquisition, quoi, où ils avaient des compteurs comme ça, où ils se faisaient racheter en l'espace d'un an, ils se sont fait racheter 2 fois, donc ça a pas mal changé. On avait historiquement donc Red Hat, qui bien sûr fait toujours à sa sauce, avait le projet Atomic, qui était donc un OS pareil pour conteneurs, mais qui utilisait TreeFS, c'est ça, je me souviens le nom, enfin bref, c'était vraiment leur base sous-jacente, qui est une technologie qu'ils adorent, Red Hat, visiblement. OST, c'est ça. Ouais, puisqu'ils l'utilisent aussi l'équivalent de Snap, mais version Red Hat, Flatpak, voilà. Ouais, Flatpak ouais. Utilise aussi cette technologie-là. Donc, bien sûr, c'est TreeFS, mais je me lancerai pas là-dedans. Et donc après, mais qui avait vraiment assez mauvaise réputation, Atomic. Et en fait, on a eu un espèce de CoreOS washing où Atomic a mergé un peu avec CoreOS et est devenu ce nouveau Fedora CoreOS. Quels sont les rapports que vous avez avec eux? Comment ça se passe? Et c'est assez intéressant, parce que dans les deux cas, c'est très, très, très communautaire. Donc, en fait, on est amené à discuter ensemble sur certains sujets. J'ai, par exemple, en tête le sujet Ignition. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de ça. Donc, c'est un outil qui permet de provisionner ton instance Flatcar au moment du boot. Donc, en fait, ça te permet d'installer des binaires que tu peux récupérer. Ça te permet de créer des fichiers sur ton système d'exploitation. Un équivalent en fait, de Cloud Init, hein, pour ceux qui... Voilà, voilà. Exactement. Et en fait, Flatcar a une espèce de petite dette technique, technologique à ce niveau-là, c'est qu'on est sur un Ignition qui est assez vieux, qui maximum supporte la config V2, alors que maintenant, c'est la normalité, c'est V3. Donc en fait, là, toujours dans cette optique Flatcar de préserver, d'éviter d'impacter le moins possible les utilisateurs en introduisant des breaking changes, ce qu'on a décidé de faire, c'est de upgrader Ignition et de supporter et la version 3 et la version 2. Alors que Fedora CoreOS et Ignition supportent exclusivement la version 3 et supportent pas la version 2. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a été amené à travailler avec les développeurs de Ignition, donc du côté Red Hat, pour échanger un petit peu autour de ça, de la faisabilité du projet. Donc bien évidemment, c'est toujours open source, donc c'est via des issues, via des pull requests. Donc voilà, donc on a des très bons termes avec eux et c'est assez intéressant de continuer en fait à maintenir ça parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est voilà, c'est fédérer une communauté d'utilisateurs autour de ces systèmes d'exploitation et c'est pas on voit pas ça comme des compétiteurs mais on voit plus ça voilà dans le monde open source et on donne le choix aux utilisateurs de pouvoir choisir quels sont leurs systèmes d'exploitation qu'ils souhaitent avoir. Donc ça passe aussi par une collaboration avec les mainteneurs de ces différents systèmes. Est-ce que tu sais d'ailleurs s'ils avaient un talk au FOSDEM J'ai pas vu de Fedora CoreOS ou de talk relatif à ça. Donc, je pourrais pas dire, mais de mémoire en diagonale, j'ai pas vu de parce que c'est historiquement, enfin, CoreOS a toujours été présent au FOSDEM. Enfin, moi personnellement, la première fois où même je les ai vus en physique, c'est justement au FOSDEM 2015 où on est allé les voir parce que donc février 2015 où on va les voir en leur disant bon bah voilà, on a l'idée de mettre du Kubernetes sur donc on veut mettre donc OpenStack sur Kubernetes, donc on allait voir les gars de CoreOS qui étaient alors à ce moment-là en tout cas les gars les plus à l'aise sur les conteneurs et ils nous ont un peu regardé en mode bah non mais nous on met du Kubernetes dans OpenStack mais jamais l'inverse hein, on ne connaît pas ça et donc voilà donc ils étaient présents, ils avaient un stand même à ce moment-là, ils avaient pas mal de talks qu'ils ont pu faire. Donc voilà. Et je pense qu'ils ont été vachement intéressés par l'idée et la question que tu leur as ah oui puisqu'ils ont fait Stack Kubernetes un an après donc après un an après Austin donc c'était assez drôle, moi je suis parti de CloudWatt à ce moment là mais j'en connaissais qui étaient allés chez Austin à l'OpenStack Summit d'Austin et qui m'ont envoyé des messages en direct en me disant non mais les gars ils sont en main stage la keynote c'est CoreOS qui présente Stack Kubernetes leur stack Kubernetes pour installer de l'OpenStack. Donc voilà. Donc c'était assez drôle. Mais après, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps, en fait. Et à l'heure actuelle, ouais. on a vraiment des technologies, en fait, qui sont vraiment dans l'air du temps et qui se font un peu partout de manière assez, assez artisanale et qui à un moment reviennent là-dedans. C'est comme Kubernetes dans Kubernetes, quoi. Vraiment, ce système d'installer des clusters Kubernetes. Tout le monde utilise cette solution-là et personne l'open source parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, mais c'était dans l'air du temps. Mais c'est pour ça que je voulais savoir s'ils avaient toujours ce côté communautaire chez CoreOS via deux rachats qui peuvent être vraiment destructeurs en termes de culture. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le rachat à Microsoft Kinvolk, justement, je suis content parce que ça a préservé un peu la culture de Kinvolk et cet engouement pour résoudre des problèmes, être très community first. Donc voilà. Et donc justement là, vous aviez donc plusieurs. J'ai vu que vous aviez 5 talks au FOSDEM cette année. Donc ouais. Les néo CoreOS, dire ceux qui trustent là-dedans. Mais tant mieux. Enfin, hein, c'est que vraiment faites du bon boulot. C'était quoi à peu près les talks que vous aviez? Alors on avait un talk pour parler un petit peu de tout ce qui est sécurité, hein, un peu au niveau de ton système d'exploitation. Donc c'était pas forcément dédié Flatcar. C'était illustré avec des exemples de Flatcar. C'était voilà, parler de SE Linux, de Seccomp, de Audit, enfin tous les petits systèmes et les outils d'écosystème Linux, voilà, pour qu'ils vont te permettre de sécuriser un petit peu ton système d'exploitation pour faire rouler du conteneur. Il y avait oui, ça c'est important de le dire, c'est que on a des outils. Quand on dit les conteneurs c'est pas sécurisé, il faut voir qu'on a des outils à l'intérieur du kernel qui permettent de sécuriser les conteneurs. C'est pas YOLO. YOLO, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du kernel. Même si la couche cgroup se fait trouer, On a encore d'autres outils derrière, s'ils ont bien été configurés, qui sont là pour mitiger les problèmes. Donc, exactement. C'est pas YOLO, j'ai accès à tout en permanence, quoi. Comme souvent certains le croient sur des conteneurs. C'est vrai que c'est important de le rappeler. J'ai déjà vu ça en entreprise, ouais, effectivement, où des personnes vont être un peu réticentes à l'idée de déployer du conteneur parce que, ah, mais non, c'est pas sécurisé, etc. C'est pas YOLO, comme tu dis, ouais. Ouais, et même d'ailleurs, ça peut même plus sécuriser que la plupart des systèmes où on fait tourner une vieille unit système D sans trop d'isolation par rapport à ça. Enfin, le conteneur permet justement d'avoir encore plus d'isolation parce qu'au moins, le système sait où doit tourner le système, enfin où doit tourner tout le workload en fait. Donc on a exactement vraiment quelque chose qui peut être plus sécurisé. Je mets un peu parce que c'est tout un sujet justement cette isolation, mais c'est possible. On a pas mal de choses. C'est possible et tu le dis très bien. C'est tout un sujet. C'est très complexe l'environnement et je pense que ça nécessiterait. Il y a des conférences dédiées là-dessus justement sur la partie sécurité parce que t'as plein d'outils qui existent. Plein de frameworks, de solutions pour sécuriser un peu ton environnement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait un talk là-dessus qui était justement parlé un petit peu. Ouais. Les solutions un peu standards qui existent Linux pour sécuriser un peu et apporter un petit peu de sécurité autour de ça. Donc, c'était un peu une overview, introduction autour des outils. Il y avait aussi un talk sur Flatcar, comment contribuer à Flatcar, donc c'est-à-dire comment builder une image Flatcar localement, donc Flatcar met à disposition un SDK et en fait avec ce SDK tu vas pouvoir étendre le système d'exploitation en rajoutant des packages, en mettant à jour des packages, en mettant des nouvelles fonctionnalités, voilà, de la configuration, et en fait tu vas pouvoir builder localement ton image et puis tu vas pouvoir après l'upload, la tester. Donc c'est un peu, voilà, c'était un talk là-dessus sur comment est-ce que tu peux contribuer à Flatcar. Ça c'est cool, donc c'est même plus que contribuer, c'est-à-dire je peux avoir ma propre image de manière facile, c'est-à-dire sans avoir besoin de forker tout le système. Parce que je sais que, donc autre expérience avec CoreOS, donc chez Criteo, on a essayé de faire un projet qui s'appelait Coco, Kubernetes on CoreOS. On avait même les déguisements, etc., qui allaient avec. Et un des problèmes qu'on a eu à un moment, alors c'était sur la couche d'authentification SSSD ou quelque chose comme ça, où il y avait des options de compilation qui étaient pas forcément bien. En tout cas, nous, dans notre cas, lien avec le DNS, je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille voir l'issue que j'avais fait. C'est toujours DNS, en effet. Mais il y avait un lien avec l'AD, le DNS, hein, bref, c'était pour avoir l'authentification, donc c'est-à-dire quand on se connectait sur un NeCoreOS, de pouvoir avoir donc l'authentification via l'AD, la base, de pouvoir récupérer la clé SSH, donc que la clé SSH soit dans l'AD, et que également on arrive à avoir le champ pour savoir quelle est l'image de conteneur qu'on va booter quand la personne se connecte. Donc c'est-à-dire d'être directement dans un toolbox, enfin directement par une image que la personne pouvait configurer. Bref. Et on avait un problème dans notre cas, et on avait essayé de faire une contribution, et je crois que ma contribution avait fait péter le bill pendant quelques semaines. Ça me fait penser à ça. Parce que dans notre cas, localement, dans notre contexte, ça marchait plutôt bien. Mais c'est vrai que rebuilder entièrement tout le système, en plus, on était en hackathon à ce moment-là, c'était... En plus, ouais. Ouais, c'était un enfer. On n'avait pas vraiment le temps, donc on avait essayé de faire notre truc. Moi, j'avais vu le problème, j'avais commencé à faire un patch en disant, le patch, il devrait marcher. Mais en gros, j'avais pas la capacité de pouvoir le tester. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que globalement, on peut avoir un système, en gros, de layering, quoi. C'est-à-dire, j'hérite de tout Flatcar et je rajoute mon petit patch. Exactement. Et donc, en fait, Flatcar, on va dire qu'il y a trois repos importants pour builder Flatcar. Donc, tu as CoreOS Overlay, Portage Stable, et script. Donc ça, c'est le nom des trois repos GitHub. Et en fait, si tu veux commencer à t'amuser à bidouiller un petit peu, ça va être simplement prendre l'état de ces trois branches à une version précise ou à la version main. Et ensuite, avec le SDK, tu vas juste rouler deux commandes. Ça va builder les packages et builder l'image. Et le tout total, ça te prend 40 minutes peut-être au total pour builder une image et avoir une ISO qui est disponible sur ton système d'exploitation que tu peux tester. Donc, tu vas vraiment hériter de ce qui est existant en prod et ensuite, tu vas rajouter si tu as un patch, si tu as un package à ajouter ou une modification à faire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça te permet simplement de pouvoir t'amuser avec. Soit si tu veux contribuer, donc faire quelque chose upstream, soit si tu as envie, tu as vraiment des besoins propres à toi qui sont pas nécessairement en mesure d'être mis upstream parce que ça intéresserait pas tout le monde, bah tu vas pouvoir le faire localement, quoi. Ouais, un module à compiler, ouais. Quelque chose comme ça. Je connais que certains ont des sécurités qui sont pas faites par exemple par sudo. Ils ont besoin de kernel, enfin de modules propriétaires à rajouter dans leur kernel. Potentiellement, voilà. Ça peut servir à ce genre de choses. Non, c'est vraiment. Et alors pour la petite histoire, une fois sur le chat communautaire, t'avais même une personne qui avait réussi, je crois, à installer toute la suite X11 sur Flatcar. Alors, je sais pas pourquoi il en avait besoin, mais ouais, il était super intéressé. Donc, tu avais tous les modules kernel à installer qu'il fallait, donc les drivers, toute la couche logicielle aussi qui allait en plus. Et donc, ça, c'était intéressant. Mais voilà, du coup, on a aidé à faire ça. Mais là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas être en mesure de mettre upstream parce que ça intéresse personne d'avoir du X11 qui tourne sur Flatcar. Question là qui c'est un petit sujet, alors là c'est pour le coup c'est une lubie personnelle, hein. Est-ce que vous avez comme intention de passer à des architectures x86-64 un peu plus récentes, donc il y a eu une décomposition en x86-64 normale, la V2, la V3 et la V4 qui à chaque fois rajoutent des instructions différentes, donc ça c'est une grande discussion dans Arch par exemple, de passer soit tout le monde en V2, donc avoir des instructions qui n'ont pas 15 ans mais qui en ont 10, quoi. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir justement plus que du x86, mais du x86-64 un peu plus récent, donc avec potentiellement des paquets compilés avec des instructions un peu plus que ouais. Celles de l'Athlon 64 de 2000, quoi. Alors ça, j'ai aucune idée, pour être honnête. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir un issue sur GitHub à repo Flatcar. Mais alors, j'essaie de visualiser un petit peu à quel niveau ça s'interprète. Bah, c'est au niveau du kernel, c'est au niveau... Bah, en fait, c'est au niveau de toute ta couche. En fait, à l'heure actuelle, il faut voir que la plupart des distributions sont extrêmement pessimistes. Elles build du x86-64 tel que ça a été formalisé par les premiers Athlon 64. C'est les mêmes instructions qu'il y a dedans. Ce qui fait que si tu as des nouvelles instructions SSE, si jamais tu as du AVX, alors encore pire de l'AVX 512, le compilateur ne compilera jamais avec ça. C'est-à-dire que le compilateur GCC est configuré pour une architecture extrêmement vieille. Et en gros, ce qui a été créé il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ont créé des micro-architectures, je crois que c'est le nom qui a été donné, et de dire on va décomposer le x86-64 en donc le legacy x86-64, on va faire V2 qui rajoute des instructions SSE1 et SSE2, à mes souvenirs, et ensuite on a les instructions x86-64 V3 qui rajoutent encore des instructions SSE, et le V4 qui rajoute, je crois, les AVX 256 et 512. 512, je suis même pas sûr. Mais en gros, ça pour permettre demain de pouvoir builder des distributions qui soient beaucoup plus rapides. On parle beaucoup de Green IT à l'heure actuelle. Il faut voir que il peut y avoir des différences de build très importantes là-dedans, et de se dire d'avoir tout mon système, donc aussi bien le kernel, mais également toute la stack autour, qui soit buildé avec une architecture. Donc en fait, potentiellement, je pourrais aller chercher mon Flatcar et dire je veux un Flatcar compatible avec telle version des processeurs, telle version, et de me dire que comme ça j'ai une, enfin voilà, avoir un build un peu plus custom. Donc si je comprends bien, alors du coup c'est une option que tu vas passer à GCC et il faut que ton hardware le supporte aussi. Exactement. Et donc potentiellement, en fait, il faut que tu connaisses l'architecture de tes processeurs. Est-ce que c'est du NEALM, est-ce que c'est du Skylake, etc. Dans les architectures Intel, et qui vont permettre de dire comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on a un peu standardisé. On n'a pas juste fait des architectures que pour une Intel, mais on a standardisé pour dire comme ça. On peut savoir même chez AMD, Intel ou n'importe qui ferait du x86 ce que ce serait. Donc voilà. Donc ça c'est juste une question personnelle parce que voilà, j'aime bien les petites optimisations comme ça, de ce genre de choses. Et quand on est dans des infrastructures un peu des kernels un peu immutables comme ça, enfin distribution immutable, ça pourrait être assez cool d'avoir vraiment, en plus d'être dédié conteneur, c'est d'être en plus dédié performance. Et je sais que notamment Clear, le projet Clear Linux, est très en pointe là-dessus, puisque justement porté par Intel, où pour le coup ils ont toutes les instructions de compilation les plus bâtards possibles d'activer pour pouvoir permettre ce type d'usage. Eh ben écoute, c'est super intéressant. Je regarderai. Mais alors pour toi, ça te rajoute des tests. Hein, ça te rajoute ouais. X tests étant ouais. Potentiellement un bug de compilation d'une optimisation GCC. Ouais. Du coup, je pense que on a les options de configuration par défaut GCC plus quelques petits trucs custom, je pense, par dessus. Mais voilà, on n'a pas encore exploré cette voie-là. Donc c'est assez intéressant que tu amènes ça sur la table. Ouais, et Arch, notamment, là maintenant, a commencé à se dire que peut-être ils allaient passer par défaut à la V2. Okay. En se disant, bah, la V2, c'est des processeurs qui ont 10 ans. Normalement, notre système ne marchera pas sur des choses beaucoup plus vieux que ça. Ouais. Donc, c'est notamment une idée qui est en vogue là-dessus, de passer mais là-dedans. C'est... Ou alors d'avoir du multi-arch, ça veut dire d'avoir du V1 et du V3, notamment. Okay. Mais c'est intéressant, surtout si ça s'inscrit, comme tu disais, dans la démarche un peu Green IT. Ça fait entièrement du sens, quoi. Je pense que tu avais peut-être des applications de sécurité aussi qui peuvent être plus intéressantes. Je sais pas si ça rentre en jeu. Un peu, tu utilises des instructions, mais pas tant que ça. C'est vraiment au niveau de l'architecture là-dedans qui est utilisée. Non, sur les problématiques de sécurité, ça va vraiment être plutôt les options de mitigation que tu vas mettre dans ton GCC un peu random ta stack pour faire en sorte de pas, enfin voilà, toutes les options de sécurité que tu vas pouvoir mettre, les options de compilation là-dedans. Mais en fait, souvent c'est compliqué pour les distributions généralistes du type Debian, etc., de le mettre, parce que quand elles le mettent d'un seul coup pour des milliers de paquets en même temps. Et donc c'est extrêmement compliqué pour elles de le mettre en place. Là où dans une distribution qui fait à la fin 200-300 mégas, ça doit être à peu près ça, le Flatcar. En termes de nombre de logiciels, d'avoir une stack beaucoup plus réduite, ça peut déjà être pas mal. Après, il y a tout un sujet, malheureusement, sur les conteneurs où je peux pas dire je veux un conteneur de type x86-64 V2. C'est-à-dire toute le multi-arch, il supporte pas encore la micro-architecture. D'accord. Moi, j'aimerais que mon processeur, par exemple, il dise, voilà, je suis compatible V4. Bah, si j'ai un conteneur V4, je le prends. Sinon, je prends un V3. Sinon, je prends un V2. Sinon, je prends x86-64. AMD 64, comme on l'appelle souvent, comme ça. Malheureusement, il n'y a pas encore cette stack-là. Donc ça, c'est encore un autre sujet dans les conteneurs, alors que ce serait extrêmement adapté pour ça d'avoir exactement le conteneur compilé avec les bonnes options. Qui va bien. Ouais. Et qui peut faire des différences très importantes dans certains cas. Hein. Vraiment, c'est sur certains loads, sur certains workloads, notamment tous ceux qui font du machine learning ou des choses comme ça. On voit tout de suite la différence quand on commence à utiliser les bonnes instructions de matrice et de virgule flottante. Ok, ouais, vachement intéressant en tout cas. Ouais. Ça mériterait tout un talk et un. Ça, c'est ma petite lubie perso que j'essaye de faire. C'est des choses que j'aimerais qu'ils soient un peu plus prises en compte. Voilà, ouais. J'en parle là dans DevOps, comme ça, tout le monde saura que ça existe, qu'on peut optimiser son logiciel avec des options de compilation qui peuvent avoir un impact au final assez important. Okay. Donc voilà. Donc on disait cette partie sécurité, la partie contribution. Est-ce que tu te souviens d'autres talks Ouais, il y avait un talk sur tout ce qui est la partie immuabilité / immutabilité comme tu as dit tout à l'heure. Donc justement, qu'est-ce que c'est Flatcar à ce niveau-là? Comment c'est géré au niveau du système d'exploitation? Donc en fait, tu parlais d'OS3 pour Fedora CoreOS. C'est ça, OS3. C'est pas TreeFS comme j'ai dit, c'est OS3 en effet. Flatcar, ça c'est un modèle différent, c'est du AB partitioning. Donc c'est vraiment le système d'exploitation qui est installé sur une partition. Donc tout le / USR qui est installé là. Et quand tu as une update qui est faite, bah, c'est écrit sur une partition B, et ensuite tu switches au boot de A vers B. Donc ça te permet d'avoir de pouvoir rollback si la mise à jour pour X, Y raison a un petit problème, et ça te permet toujours de conserver en fait la N-1 sur ton disque. Donc c'est, OS3, on a quelque chose où en fait on a un différentiel qui est fait en fonction de. C'est presque du Git, je caricature, mais t'as un commit et donc t'as. T'as cette approche-là qui est vachement intéressante aussi. D'ailleurs, il y a eu des questions sur pendant ce talk-là où quel est le mieux en fait. Est-ce que le mieux c'est de faire du AB partitioning? Est-ce que c'est de faire du OS3? T'as même avec BetterFS, tu peux faire aussi des choses comme ça. Et donc, t'avais une question qui était que Kai, donc la personne qui a donné le talk, a répondu. Évidemment, t'as pas de choix miraculeux. Hein. T'as toujours les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre. Donc, je vous invite à aller voir ce talk qui était assez intéressant. Sachant qu'il y a des solutions aussi même qui sont un peu encore différentes, puisqu'en fait, la plupart du temps, l'avantage de OS3, c'est qu'on va pouvoir télécharger que le différentiel. C'est surtout ça, c'est surtout pour des... C'est incrémental, ouais. Voilà, on a un incrémental. On a le logiciel CAsync qui a été fait par Leonard Poltring, qui permet de faire, en fait, en gros, je te donne un fichier distant, je te donne un fichier local, et en fait, quand je vais aller télécharger le fichier distant, je vais télécharger que la différence. Et il sait le faire même sur des OS. Et ça, c'est un truc, je crois qu'il y avait une issue dans le repo CoreOS là-dedans, pour justement utiliser CAsync pour en fait créer la partition B en utilisant la partition A. Et donc, okay, comme ça, en fait, en permanence, tu vas aller télécharger que le différentiel. Donc, ouais, même si le blob est extrêmement grand, mais qu'il y a juste un fichier qui change, en fait, il va recréer la partition B en utilisant seulement le diff de la partie du distant, en utilisant la partition A. Et donc, on a en fait un espèce de mélange entre les deux qui permet d'avoir un système simple, donc auditable assez facilement, plus que OS3 qui est une énorme usine à gaz, tout en gardant un peu ce système de différentiel assez simple. Et donc, CAsync fait ça. C'est son but là-dedans, et il marche aussi avec des fichiers RAW, quoi. Donc vraiment, tu peux lui donner d'un côté la partition A et de l'autre côté un binaire, et il fera tout seul le différentiel binaire à l'intérieur. Okay, ouais. En comprenant, voilà. Donc c'est aussi possible d'avoir ça, mais ça c'est dans le processus de release du côté de la distribution. Bah, au niveau de systemd, t'as aussi systemd 6x qui commence à faire un peu du bruit à ce niveau-là. Donc ça aussi, Flatcar, il y a une issue qui est ouverte sur le repo GitHub pour voir justement si on pourrait hériter de ce mécanisme, non pas pour remplacer le partitioning AB, mais pouvoir te permettre d'étendre un peu ce caractère immutable du système d'exploitation. Si tu veux faire rouler ton propre container runtime, si tu veux faire rouler une version différente de Docker que celle qui est shippée. Donc pour l'instant, avec Flatcar, t'as des mécanismes, voilà, qui te permettent de contourner ça, mais c'est des mécanismes homemade, on va dire. Donc voilà, l'intérêt d'utiliser le système D6X, ce serait justement pour pallier à ça et puis utiliser des trucs upstream, des technos que tout le monde utilise, et le merger à Flatcar. Ça aussi, c'est des choses qui sont en cours, ça, on regarde comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça, et comme d'habitude, c'est public, hein, donc si vous avez envie de participer à la discussion, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, là, tu parlais de Docker. Vous utilisez toujours, vous avez encore le démon Docker dans Flatcar, ou est-ce que vous êtes passé à du Containerd ou à un autre CRI Alors, du coup, tu vas avoir Containerd qui est shippé, donc tu as ça. Et avec donc le système que je te parlais, là, Torx, c'est en fait toutes tes images Docker, enfin, toutes tes commandes Docker sont passées d'abord par Torx, et en fait, qui va te permettre d'utiliser l'installation qui va bien, l'image qui va bien, puisque en fait on donne un moyen de customiser donc ton Docker, ton daemon, etc. Au moment du boot de l'instance avec Torx, mais voilà, c'est un système qui est homemade et qu'on aimerait remplacer dans le futur par un système D6X dans le futur. Mais voilà, pour l'instant c'est ça, et ça nous permettrait de pouvoir shipper du Podman, par exemple, pour l'instant qui est pas shippé avec Flatcar, et beaucoup d'utilisateurs souhaiteraient l'avoir. Moi aussi, personnellement. Donc voilà. Mais pour l'instant, ouais, c'est une stack classique, on va dire. Ok. Est-ce qu'il y avait un autre talk Il y avait un autre talk sur tout le système de mise à jour, en fait, de Flatcar, comment ça marche. Donc là, on a reparlé un petit peu du système de release alpha, bêta, stable, comment l'auto-update fonctionne, parce que finalement, en fait, Flatcar, par défaut, s'update tout seul. Donc tu vas le déployer, et lui il va aller pinguer un serveur public dont tu as parlé tout à l'heure au Nebraska, et pour voir s'il y a de l'update à faire, s'il y a une update à faire, bah récupérer le nouveau payload et puis l'écrire dans la partition B et rebooter tout seul. Voilà. Et donc tout ça c'est customisable, c'est configurable bien évidemment, et voilà, tout ce talk là est autour de ça. Vous avez toujours Locksmith ou pas qui justement fait Ouais. Locksmith continue à tourner. Je continue à faire des releases de temps en temps sur ça. Et on est en train actuellement de faire une preuve de concept de Locksmith plus Flitlock. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de Flitlock, mais tu parlais tout à l'heure de la Fedora CoreOS, comment ça se passait les relations avec eux. Flitlock, justement, c'est quelque chose qui est utilisé du côté de Fedora CoreOS. C'est un protocole qu'ils ont défini. Et en fait, qui te permet justement de gérer des updates de flotte de nœuds qui sont déployés. Et voilà, et on est en train de faire une preuve de concept de Flitlock plus Locksmith pour pouvoir rejoindre un peu les autres, qu'est-ce qu'ils font. Donc toujours ce côté-là communautaire, quoi. Ouais, pour rappel, Locksmith Flitlock, donc c'est vraiment quand on a une nouvelle mise à jour, imaginons qu'il y a une mise à jour qui soit disponible, qu'on a 200 nœuds, on n'a pas envie que les 200 nœuds se rebootent d'un seul coup. Voilà. Donc même si dans le protocole Omaha et au niveau du Nebraska, on peut faire un throttling, potentiellement si jamais on utilise donc votre repo communautaire, potentiellement si nos 200 nœuds sont dans le premier batch, et ben les 200 nœuds rebootent quasiment instantanément, enfin, voilà, dans la période de refresh. Ce qui peut être un problème, clairement. Et donc, Locksmith va permettre donc de loquer et de dire, je veux que dans mon cluster, il y ait que deux nœuds qui puissent se mettre à jour, deux, trois, enfin, X nœuds, voilà, qui puissent se mettre à jour en même temps. Et donc, chacun prend un lock et attend. Et donc, en gros, tant que l'update n'est pas fini, le lock n'est pas release, qui fait qu'une autre machine ne peut pas se mettre à jour. Et en fait, du coup, Locksmith, donc t'as, voilà, t'as avec le fameux système de lock, comme ça qui fonctionne, et puis tu vas aussi pouvoir dire définir des plages horaires pour tes mises à jour de nœuds, si tu veux que ça t'arrange que tes nœuds ils soient updatés à minuit le mercredi ou des choses comme ça. Et en fait, le problème avec ce système de lock, comme tu l'as dit, c'est que tu dois l'acquérir. Et en fait, toute la partie gestion du lock, c'est avec un nœud etcd qui roule derrière. Et en fait, l'intérêt d'utiliser FleetLock, c'est que tu vas pouvoir t'affranchir de cette limitation technique et avoir réellement ce que tu veux pour te filer un lock ou pas, tu vois. Et donc, je caricature, mais tu pourrais presque détenir le lock avec un petit serveur web que tu aurais fait toi-même custom et puis approuver manuellement un reboot de nœud si tu as envie de faire ça. Mais tu n'as plus de etcd qui tourne derrière. Ça va être vraiment, avec l'implémentation de FleetLock, c'est tant que c'est compatible, ça va. Donc ça implémente le protocole FleetLock, ça va, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel serveur en back. Donc voilà, ça c'est un truc, il y a une pull request qui est ouverte par quelqu'un de la communauté pour l'instant, c'est quelque chose qu'on suit pour faire une preuve de concept avec ça. Ok, parce que enfin, je me souviens plus si je l'avais mis en place à l'époque, mais je me souviens qu'il y avait un opérateur CoreOS à l'époque qui permettait justement de gérer ça, mais directement depuis Kubernetes. Et donc en fait, d'avoir comme ça une... T'as du coup... Tu parles peut-être, c'est Typhoon qui ont un opérateur qui te permet, qui implémente FleetLock. Donc, si t'as déjà joué avec FleetLock, c'est sûrement celui-là que t'as utilisé. Et sinon, t'as le Flatcar Linux Update Operator, je crois, Fluo. Ça devait être ça. Donc ça, c'est, voilà, c'est Fluo, c'est l'implémentation de Locksmith en opérateur. C'est ça. Donc, qui permet comme ça d'avoir une gestion. Et donc, justement, à l'heure actuelle, vous restez donc un container OS, puisque vous pouvez faire tourner n'importe quel container. Vous n'êtes pas encore un Kubernetes OS, comme peut l'être Talos. Est-ce qu'il y a un but là-dedans? Est-ce qu'en gros, vous avez souvent des usages hors Kubernetes de Flatcar, dans ce que vous voyez? Alors, de l'expérience que j'ai vue pour l'instant, c'est essentiellement du Kubernetes quand on a des issues qui sont ouvertes. Je pense que oui, on peut dire que Flatcar, ouais, c'est du Kubernetes OS, parce que majoritairement des use cases, ça va être ça qui tourne. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tests, en fait, on focus un petit peu sur déployer des clusters, parce que c'est ce qui nous permet en plus de tester le plus de fonctionnalités de Flatcar. Parce que quand tu déploies un cluster, bah, t'entends bien que t'as toutes les technologies sous-jacentes qui sont mobilisées dans ton test. Donc, que ce soit le container runtime, que ce soit SE Linux, que ce soit la partie réseau, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de dire ça, mais c'est vrai que voilà, t'as pas les outils qui sont shippés, donc t'as pas kubectl qui est shippé avec le système d'exploitation. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois installer au moment du provisioning avec Ignition. Et donc justement, il y a pas donc là, t'as parlé d'Ignition V3. Alors moi, j'ai rarement utilisé Ignition puisqu'en fait, quand j'ai fini ma partie historique bare metal chez les acteurs où j'étais, Ignition venait d'arriver et servait surtout pour la partie provisioning des disques. En fait, c'était surtout son usage à ce moment-là. Donc on avait un mix Ignition Cloud Init. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'avoir justement une configuration, un Ignition V3 ou peut-être dans le V4, d'avoir justement cette partie, je te donne une configuration kubeadm, enfin je te donne une configuration de qu'est-ce que doit ressembler mon nœud, quel est le master, le control plane que je dois rejoindre, et est-ce qu'il y a cette volonté-là à un moment donné d'avoir encore plus cette facilitation, peut-être pour être en plus intégré via le Machine CTL, enfin le Machine API Alors ça sera intéressant de voir directement, donc avec le upstream Ignition, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de nouveau. Donc ils font plein de choses. Pour l'instant, je crois pas qu'il y ait justement de solution magique qui permet justement, tu donnes une config et ça join comme il faut. Mais ce qu'on va utiliser, par exemple, pour si tu veux déployer un cluster, bah tu vas simplement récupérer tes binaires, etc. Tu vas passer ta config en dur, ça va l'écrire sur le disque et puis. Mais voilà, ça va être en deux temps. Si t'as un master, si t'as un contrôleur et un worker, ça va être en deux temps pour récupérer le token, etc. C'est bon, c'est une installation classique, on va dire. Et c'est comme ça que c'est roulé dans les tests. Pour l'instant, c'est un gros fichier Ignition qui va t'installer les binaires qui vont bien, créer les fichiers, les systemd, les services systemd qui vont bien aussi. Parce qu'avec Ignition, tu vas pouvoir définir des services systemd. Avec des drop-in ou directement en dur. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'au final, après, tu arrives sur un système qui est presque entièrement administré par les services système D. Donc ça, c'est cool. Et Ignition, si je me souviens, on est sur une passe unique. Donc en fait, on repasse pas à chaque fois. C'est vraiment fait pour vraiment la phase de provisioning pure de l'OS. Voilà. C'est initial et c'est fait early boot. Donc c'est avant même que le système est totalement booté. En fait, c'est là que c'est fait, quoi. Donc c'est ça roule une fois. Tu peux forcer à ce qu'il roule une seconde fois si t'en as réellement envie en ajoutant une kernel command line. Mais voilà, c'est pas prévu pour, à la différence de Cludinic qui lui va rouler à chaque fois, si je ne m'abuse, il va rouler à chaque fois, à chaque boot d'instance. Ignition, ça roule une fois pour toutes. D'accord, et donc en gros, on est vraiment dans du logique co, c'est-à-dire si on a envie de changer quelque chose, on la pète, on la pète et on l'a. Et voilà, une fois de plus, pour diminuer le drift, etc. Donc là, t'arrives, tu provisionnes une fois et puis ça marche pas ou t'as besoin de modifier quelque chose, bah tu repars de zéro, tu reversionnes ta nouvelle configuration et puis tu redéploies une instance, quoi. À l'heure actuelle, les plus grosses installations, enfin, quelles sont les plus grosses installations de Flatcar que vous connaissez, les plus gros utilisateurs, alors, peut-être pas forcément les noms si vous pouvez pas donner, mais la taille, la charge, la taille d'équipe qui le gère chez un client. J'ai pas en tête, mais on avait fait un petit sondage. Alors, je vais tout de suite aller voir, mais je pense que ça doit être, en moyenne, ça doit être 30-40 nœuds qui sont déployés, peut-être. Mais j'ai pas de. Voilà. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-dessus. Ok, donc pour répondre à ta question, 82% des utilisateurs Flatcar ont reporté qu'ils roulaient du Kubernetes. Ok. Je me demande ce que pour les 20% qui restent, mais. Bah, du conteneur classique. Ouais. Et puis. Je me souviens qu'il y avait une stat, peut-être. Non, mais c'est globalement ça, l'ordre d'idée, toi. En tout cas, quand tu. Ouais, voilà. Alors, actuellement, c'est dans les 30-40 nœuds pour un cluster. Enfin, la plupart de vos utilisateurs, on va dire. Ouais, voilà. Donc, c'est entre 10 et 100 que, en moyenne, ça se gère. T'as quelqu'un qui a répondu plus de 1000. Donc, je serais intéressé de voir l'infra. Bah, après, c'est ça l'intérêt de l'immutable, c'est que. Ouais. Bah, en fait, un ou mille. Voilà, c'est ça, c'est pareil. C'est à peu près pareil, le temps de tester un nouveau matos qui arrive et de savoir est-ce que ça passe bien dessus et tester une nouvelle release, quoi. Ouais. Sachant que si jamais on commence à avoir pas mal de monde, justement, on peut s'abonner à des channels bêta et avoir quelque chose d'un peu plus chaos. Hein. C'est quelque chose qu'on recommande, en fait, justement, dans ton infra, d'avoir quelques channels bêta pour parce que ça fait partie aussi de tout le release process, c'est d'avoir du feedback de la communauté, des utilisateurs. Si t'as un nœud qui pète, genre dernièrement on a eu une petite blague qui était assez intéressante. Ça a été ouvert vendredi sur comme problème. Cilium qui crachait en fait au démarrage de l'instance à cause d'un bug fixe dans un kernel LTS. Donc c'était vraiment intéressant parce que du coup ça remet en cause qu'est-ce qui est shippé avec des kernels LTS. Donc normalement c'est censé être que du CVE, des correctifs de sécurité. Et en fait, là, du coup, tu avais un bug fixe qui était lié à une autre feature qui était... Enfin, tu remontes, hein, après, c'est une suite d'événements. Et du coup, c'était intéressant parce qu'au final, ça arrive en stable. Et du coup, tu dis, bah, c'est juste de la mise à jour kernel, c'est du stable. Il n'y avait aucune nouvelle fonctionnalité ni rien. Et hop, ça a pété Cilium. D'accord, mais ça veut dire aussi que Cilium ne l'a pas détecté avant et n'avait pas lui-même son processus de test sur les versions... Sur le nouveau kernel, ouais. Donc, en théorie, ça aurait dû être ça, en fait. À l'inverse, ouais. Mais du coup, après, là, vous l'avez trouvé, c'est cool, mais c'est. Et du coup, ce qui est assez intéressant, une fois de plus, c'est que là, t'as toute la. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une contribution au niveau de Cilium qui a été faite pour patcher Cilium pour que ça fonctionne correctement. Et t'as aussi un test case qui a été rajouté à Flatcar. Pour l'instant, Cilium est testé, mais c'était pas cette fonctionnalité de Cilium, c'était du IPsec qui était testé. Donc, c'était cette partie-là qui était cassée. Et du coup, ça, on l'a rajouté aussi en batterie de test pour identifier d'éventuelles régressions en futur. Ok. C'est plutôt cool. Je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à rajouter que tu verrais là sur le, même sur le FOSDEM, même en règle générale. Est-ce qu'il y avait des confs que t'as vu? Ouais, je suis allé, comme je te dis, je suis dans une asso avec Ingénieurs sans frontières. Et du coup, on est très intéressé aussi dans l'équipe informatique de tout ce qui se fait en open source au niveau communautaire, etc. Donc, on a regardé en fait le FOSDEM ensemble. On s'est mis, on s'est ouvert un chat et puis on discutait. Voilà, je vais aller voir telle conférence. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, le soir, on s'est fait un petit apéro pour voilà, pour relater nos histoires du FOSDEM. Donc, ouais, j'ai joué le jeu aussi d'aller voir d'autres talks qui m'intéressaient bien. Je suis allé voir un talk sur Java, premier talk de FOSDEM sur OpenJDK. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'écosystème Java, les nouvelles fonctionnalités du langage. Donc ouais, c'était assez intéressant. Java, c'est pas un langage que je fais tous les jours et j'ai pas trop l'occasion de voir, mais je trouvais ça. J'étais curieux de voir un petit peu ce qui se faisait de nouveau. Je suis allé voir un talk aussi sur Nemo Mobile, donc qui est un système d'exploitation libre pour les téléphones. Donc ça, c'était aussi intéressant avec une petite démo, montrer un petit peu l'état de l'art de la chose, comment ça fonctionne, comment contribuer. Donc ça c'était assez intéressant et puis j'aime bien en fait toute la partie libriste qui est autour de ça sur la téléphonie et puis voilà j'ai vu aussi je crois que c'est tout quelque chose sur Ansible hein. Ah oui Ansible Ara exact donc ouais ça c'était je crois que c'était une personne de Red Hat qui a fait le talk et ça c'était assez intéressant sur une fonctionnalité d'Ansible enfin une fonctionnalité un plugin d'Ansible qui permet en fait de collecter tous les logs au moment de l'exécution d'Ansible pour les balancer dans une base de données derrière et ensuite pouvoir bah, naviguer, récupérer un historique, identifier tout ce qui est en fail, tout ce qui est en erreur, tout ce qui est en success. Voilà. C'est vraiment juste rendre persistant tes logs Ansible pour pouvoir ensuite naviguer à travers. Ça, c'était assez cool. L'outil était assez sympa. C'est une implémentation en Django derrière, donc c'était assez rigolo de voir ça. Live et puis voilà toute la problématique autour était assez intéressante parce que la personne expliquait que des fois dans leur CI ils avaient plus de 50 000 lignes de log et donc bah quand il y avait un truc qui passait pas au niveau d'Ansible bah il fallait remonter tout le traceback pour voir où est-ce que c'était pété et du coup c'était ils montraient comment avec Ansible Ara justement ils arrivaient à pallier à ça et puis pouvoir naviguer rapidement dans tes logs pour pouvoir identifier les problèmes. C'est vrai, là, tu as parlé de tout l'aspect libriste qu'on a dans le FOSDEM. C'est quelque chose qui est extrêmement présent et extrêmement... et surtout quand on y est, quoi. Là, pour le coup, c'est la foire aux libristes à fond. C'est pour ça que je t'encourage, dès que tu peux, à y aller, si jamais tu n'y es pas allé. Ça a l'air vraiment unique, en plus, où ça a l'air super convivial... tu discutes de tech en buvant une bière, enfin toi ça a l'air vraiment cool comme événement tu vois, genre, et je pense que s'il est aussi connu et célèbre en Europe et dans le monde je pense que c'est aussi pour ce côté là libriste et puis très bonne ambiance de l'événement quoi. Je pense que c'est pas le genre d'événement où tu te prends la tête en fait je pense. Non, c'est toujours un endroit où tu trouves des choses très très spéciales. Les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est je sais pas l'année où par exemple Facebook avait sponsorisé la track Python et où ça avait un peu fait jaser parce que c'est Facebook, parce que c'est pas bien et parce que c'est pas libre, ça pue, c'est pas libre. Enfin voilà, c'est les seules choses, les seuls gros événements que tu peux avoir quoi. C'est plus de bière. Je pense pas que tu manques de bière là-bas. Mais t'as le côté aussi sympa, comme tu disais, t'as les stands, en fait, des speakers, des machins. Donc, je me souviens, t'as CoreOS, t'avais CoreOS. J'avais vu à l'époque que t'avais GitLab, t'avais, comment il s'appelle, Gentoo aussi qui était là. Enfin, je pense que c'est aussi, ça t'apporte une proximité avec les développeurs et pouvoir aller poser tes questions, etc. Donc, ça, c'est assez cool. Mais t'as même encore d'autres choses. Alors, je crois que le nom, c'est ReactOS ou quelque chose comme ça, mais qui est un OS que je vois depuis que je vais au FOSDEM. Donc, ça a beaucoup plus de 10 ans où les gars, ils réimplémentent entièrement tout le kernel Windows. Donc, c'est pas un Wine, c'est pas une couche de compatibilité par rapport au kernel Linux. C'est que les gars, ils réimplémentent le kernel Windows, quoi. Ils ont une table. Je me suis toujours demandé qui c'est qui avait la motivation pour bosser sur des sujets comme ça. Mais il y a. Et t'as même encore des choses encore plus perchées. Donc il y a une petite room un peu plus loin, un pavillon qui est le plus petit pavillon d'entre tous, qui est un peu caché, où tu vas pouvoir avoir les projets IoT. Tu vas avoir des gens qui vont créer des CubeSat par exemple en open source, qui ont une espèce d'agence spatiale, donc c'est des Italiens qui ont ça, une université italienne, qui ont créé une agence spatiale libre en fait pour créer des CubeSat en open source et avoir tous les plans. Ils créent pas de fusées, parce que d'ailleurs j'aurais demandé pourquoi ils avaient commencé. C'est une réglementation je pense. Bah alors, tu pourrais le faire. Le problème, c'est que le logiciel de guidage d'une fusée, il ressemble quand même beaucoup à celui d'un missile. Ah. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas, de logiciel de guidage open source d'une fusée. Parce que voilà. Ouais, ça pourrait être tombé dans des mains de personnes mal intentionnées, ça pourrait être. Voilà, bon, après, je me dis, si jamais t'es une personne mal intentionnée, t'arrives à récupérer du code d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, avec la molette, avec la bonne personne, et normalement, t'arrives à récupérer quelque chose dans un pays qui a déjà des fusées. Mais, ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Et puis, justement, ces gars-là, c'est des gens super passionnés, donc même si toi, tu t'intéresses un peu de loin à la chose, par exemple, tu parlais du stand ReactOS, et ben, les mecs, ils vont te donner cette passion et cette énergie. Et du coup, toi, ça va t'intéresser. Et ça aussi, je trouve, c'est beau, ce genre d'échange que tu peux avoir dans ce genre de conférence. Exactement. Et point important, les talks là-bas sont extrêmement techniques et avec une propension à vraiment mettre en avant les contributeurs, les gens qui soient les contributeurs à un projet, soit même les créateurs du projet. Mais en tout cas... si jamais vous avez peur de parler, si jamais vous vous sentez pas bien par rapport aux autres talks qui existent, franchement, allez voir un talk du FOSDEM, il y en a plein. On sent que c'est pas des gens qui aiment parler, mais qui aiment partager ce qu'ils aiment faire. Et donc, et c'est quelque chose d'extrêmement bien. Enfin, c'est... Et ça, je trouve ça beau, quoi, parce qu'au final, c'est le propre d'ingénieur ou même d'une personne technique, c'est de partager en fait ce que t'as appris, partager du feedback, faire du retour d'expérience. Et voilà, t'as pas besoin d'être, comme tu dis, super à l'aise sur scène pour partager des choses, ou t'as pas besoin d'avoir le sujet trending du moment pour le partager. En fait, si c'est quelque chose que t'as appris et que tu te dis, ça peut être intéressant de le partager, bah, FOSDEM, c'est bon endroit, quoi. Voilà. Enfin, si, c'est open source. Ouais. Donc, oui. On va toujours rappeler ça, mais voilà. Et donc, bon, c'est un grand sujet, les conférences en ce moment. Mais voilà, en tout cas, voilà sur le FOSDEM, ce qui est assez cool. Donc, n'hésitez pas à venir l'année prochaine. On va espérer que ce soit en physique parce que vraiment, les trois quarts de la conférence se passent dans les à côté, vraiment. Donc, tous les auditeurs. Peut-être que tu nous feras un petit podcast depuis le FOSDEM, un petit live. J'ai déjà essayé, en fait, de le faire. Alors, peut-être même d'ailleurs cette année. Donc, j'ai les places déjà pour la CubeCon qui se passera à Valence en mai. Peut-être que je ferai un live de là-bas. Ça pourrait être vraiment intéressant, je pense. Ouais, voilà, j'avais déjà essayé de le faire il y a longtemps, quand c'était celui de Barcelone, donc je sais plus, il y a 2-3 ans. Bon, voilà, autre temps, autre époque. Maintenant, peut-être que ce serait possible. J'ai déjà un peu plus le matos pour le faire bien. Ouais, et voilà, un live report de la conférence. De toute façon, moi, je passe mon temps à être... Enfin, je suis jamais dans les conférences. Hein. Moi, je suis toujours dans le booth des sponsors. Tu parles dans les couloirs, ouais. Voilà, je suis dans les couloirs, mais c'est rare que j'aille dans les conférences. Hein. Vous me verrez rarement dans les salles de conférences, mais plutôt à côté, hein, si. Surtout s'il y a de l'alcool. Donc, voilà. Voilà un peu. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Ouais. Merci pour ce talk, déjà, pour les contributions que tu peux faire, déjà, pour tout le travail fait. Et puis, merci pour avoir bien voulu venir avec cette invitation. C'était avec plaisir, et puis merci à toi d'avoir drivé toute la discussion, c'était vachement intéressant, j'ai appris des choses aussi, donc c'est vraiment cool, quoi. C'est le but, et j'espère que les gens qui écoutent là ont aussi appris des choses, c'est le principal, c'est le plus important, et puis je te dis à une prochaine, alors au moins au FOSDEM l'année prochaine, mais j'espère avant. Ouais, ça marche, et puis prenez soin de vous, et puis tout ça, quoi, et puis on essaye de se voir rapidement. Très bien. Salut à tous. Salut.